je t'entends pas à la guitare. Ah non, mais c'est que je suis fort en fait. Alors toi, je vais voir, moins 12. Ah oui, il faut que je te mette à moins 12. Ah, je te mets à moins 12. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça te va ce rythme ou autre chose? Cherche les paroles. C'est impeccable, c'est ça. Bon, c'est pas resté. Pour tout de suite. Putain, j'ai perdu mes. Le truc note là. La note. Je vais faire n'importe quoi. Je vais chanter un truc à moi. Toujours pareil. Mais... Je ne veux pas pleurer, je ne veux pas te faire pleurer. recommencer. Ok. Je ne veux pas te faire pleurer. Je ne vais pas me justifier. Notre histoire est compliquée. Je préfère tout arrêter. On aurait pu continuer. Faire semblant et s'ignorer. Mais tu vois, c'est pas mon style. Mon esprit est plus tranquille. Crois-moi, je veux te voir sourire, oui crois-moi. Ne pleure pas car je dois partir, crois-moi. Je veux te voir sourire, sourire. Je ne veux pas te faire pleurer. Je ne vais pas me justifier. Notre histoire est compliquée. Je préfère tout arrêter. On aurait bien pu continuer. Faire semblant et s'ignorer. Mais tu vois, c'est pas mon style. Mon esprit est plus tranquille. Changer la batterie. C'était quoi que j'ai mis? On va le refaire. Attends, on va le refaire, tu vas faire un solo.